Zacharie chapitre 12. La charge de la parole de l'Éternel, touchant Israël. L'Éternel, qui étend les cieux, et qui fonde la terre, et qui forme l'esprit de l'homme au-dedans de lui, a dit, voici, je ferai que Jérusalem sera une coupe d'étourdissement à tous les peuples d'alentour, et même elle sera une occasion de siège contre Juda et contre Jérusalem. Et il arrivera en ce temps-là, que je ferai que Jérusalem sera une pierre pesante à tous les peuples, tous ceux qui s'en chargeront, en seront entièrement écrasés, car toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce temps-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tout cheval, et de folie l'homme qui sera monté dessus, et j'ouvrirai mes yeux sur la maison de Juda, et je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Et les conducteurs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont ma force de par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce temps-là je ferai que les conducteurs de Juda seront comme un foyer de feu parmi du bois, et comme un flambeau de feu parmi des gerbes, et ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem sera encore habitée en sa place, savoir, à Jérusalem. Et l'Éternel garantira les tabernacles de Juda avant toute chose, afin que la gloire de la maison de David, et la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève point par-dessus Juda. En ce temps-là l'Éternel sera le protecteur des habitants de Jérusalem, et le plus faible d'entre eux sera en ce temps-là comme David, et la maison de David sera comme des anges, comme l'ange de l'Éternel devant leur face. Et il arrivera qu'en ce temps-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et je répandrai sur la maison de David, et sur les habitants de Jérusalem, l'esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi, qu'ils auront percé, et ils en mèneront deuil, comme quand on mène deuil d'un fils unique, et ils en seront en amertume, comme quand on est en amertume à cause d'un premier-né. En ce jour-là il y aura un grand deuil à Jérusalem, tel que fut le deuil d'Adarimon dans la plaine de Megiddon. Et la terre mènera deuil, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part, et les femmes de cette maison-là à part, la famille de la maison de Nathan à part, et les femmes de cette maison-là à part. La famille de la maison de Lévi à part, et les femmes de cette maison-là à part, la famille de Simi à part, et ses femmes à part. Toutes les familles qui seront restées, chaque famille à part, et leurs femmes à part.